Du soccer et pas une du soccer, hein, du sport en général est décédé cette semaine à l'âge de 60 ans. Diego Maradona, la grande vedette du soccer mondial, est décédé. Et on va parler avec un qui était analyste lors de la Coupe du Monde de 1986. Donc, il a analysé les matchs de Maradona. C'est pas mal là qu'il s'est mis au monde. C'est une sommité du soccer au Québec, Francis Millien. Bon midi, Monsieur Millien. Bon midi à vous aussi. Monsieur Millien, lorsqu'on parle Diego Maradona, je voyais cette semaine des. Écoute, je suis pas un grand connaisseur de soccer, je suis un simple amateur de soccer. Par contre, on dit qu'il est dans le top 2 après Pelé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, on va dire, personnellement, je dirais qu'ils sont ex aequo, mais de façon différente. OK. Ce sont vraiment deux entités totalement pas identiques. Et je pense qu'il faut reconnaître à l'un et à l'autre et ses qualités et éventuellement aussi ses défauts. Il était controversé, Maradona, plus que Pelé, et malheureusement pour lui, il n'a pas su vraiment bien gérer sa fin de carrière, son essai comme entraîneur et même son comportement dans la vie. La drogue a ses difficultés Ben, qui c'est ça, hein. Quand on dit peuvent 60 ans, poser aux... c'est un vieux 60 ans, Pelé, là. C'est un 60 ans US, pas Pelé, mais Maradona, c'est un 60 US pas mal, là. Vous savez, c'est Oui, l'expression, c'est hein? ça. Hein? Il avait 60 sur le papier, mais il avait un peu plus sur le physique, Ah oui, pas mal c'est plus. certain. Mais Ouais. quand on brûle la chandelle par les deux bouts, et malheureusement, si en plus un bout n'est pas le bon bout correct, c'est un petit peu ça qui arrive. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un joueur sublime, quelqu'un qui était capable de réaliser exploit sur exploit. Vous savez, quand on dit qu'un joueur fait un match parce qu'une équipe a une grosse vedette, ben c'était un petit peu ça parce que même en 86, l'Argentine n'était pas nécessairement l'équipe la mieux armée, mais elle avait Maradona. Ben Alors, je pense que de ce côté-là, il faut lui reconnaître tout ce qu'il savait faire de son pied gauche. Il avait une précision chirurgicale, il avait une surprise de prestidigitateur, il avait un charisme qui emmenait avec lui les troupes. Il avait tout ce qu'il faut pour faire la différence. Il l'a d'ailleurs prouvé quand il est parti jouer en Italie, ouais. alors que il avait à perdre plus ou moins en allant avec Naples, parce que Naples n'était pas l'équipe la plus prisée en Italie à ce moment-là. Il y avait toujours la Juventus, Rome et d'autres. Et je pense que de ce côté-là, Maradona a réussi à faire avec Naples des miracles, et c'est la raison pour laquelle les gens le considèrent un petit peu comme un dieu ou Mais comme un c'est en messie. 86 qu'il s'est vraiment mis au monde, hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là, lors de cette Coupe du Monde-là? C'est là que c'est vraiment. Ben, Parce qu'il a commencé en 82, sa carrière, Maradona. Mais c'est en 86 que vraiment là, qu'il s'est mis sur la planète foot, hein? Exactement, où il a vraiment démontré qu'il était le meilleur au monde à ce moment-là, il faut le dire. Maintenant, comparé avec Pelé, c'est comme au hockey, hein, comparé un Gretzky ou un joueur de cette période-là, de cette époque-là, puis d'en comparer un maintenant, Ben là, c'est parce y que. compris un Crosby ou autre, c'est toujours dur de dire quel était le meilleur, parce qu'ils ne jouent pas dans les mêmes contextes. Ouais, c'est parce Mais que. on est capable de dire que tous les deux ont été les meilleurs joueurs du monde et le reste peut-être encore un peu maintenant. Ok, parce que là, tu sais, moi, je vous arrivais, c'était une de mes questions suivantes, mais je vais vous la poser tout de suite. Messi ou Maradona? Parce que Messi, là, je trouve qu'on dit. Il a marqué 80, il y a une année de 92 buts, c'est l'équivalent de 130-140 buts au hockey. C'est ça la différence. Oui. Par contre, il n'a pas gagné, il n'a pas gagné, fait que ça restera toujours la tâche, hein, c'est comme dans n'importe quel sport. Mais c'est quand même dur envers Messi, parce que 92 buts, c'est des buts en maudit, là. Absolument, absolument. T'sais, C'est le meilleur joueur au monde, on va dire actuellement, là, dans cette période-ci. Et il est pour moi au même top que peuvent l'être ou qu'ont pu l'être des Platini ou des Zidane. Il surplombe tout le monde à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'avant ou après, ils auraient eu les mêmes résultats. Alors, au moment où Pelé était le meilleur joueur au monde, c'était indiscutable. Quand Maradona l'est devenu également, C'était indiscutable. Platini, Zidane ou autre, c'est aussi indiscutable. Maintenant, à savoir quel est le meilleur de tous les temps, ben, comme je vous dis, il faudrait tout remettre dans le contexte. Et ça, c'est pas facile parce que Non, le soccer, enfin le foot, on va dire le foot à travers le monde, a évolué de grandes, grandes façons. Et l'aspect notamment tactique, tactique de jeu, tactique de comportement sur le terrain ou autre, fait qu'un Messi est certainement un des plus intelligents, un de ceux qui voient le mieux, un de ceux qui réalisent le mieux. Mais ça ne veut pas dire que Messi, à l'époque où Pelé et où Maradona ont joué, aurait eu les mêmes résultats parce que, physiquement parlant, la demande était plus dure. On se faisait casser les jambes quasiment quand on était supérieur à tout le monde. Pelé peut le dire, Maradona peut le dire, ils ont reçu tant et tant de coups non protégés par les officiels ou par le milieu du foot, alors que maintenant c'est un peu différent. Je ne dis pas qu'on surprotège les vedettes, mais on en tient compte quand même. Et y compris les entraîneurs, j'en connais pas un seul qui irait dire maintenant à ses joueurs, ben écoute, quand il passe près de toi, descends-le, t'inquiète pas, c'est le meilleur, au moins après ça on pourra commencer à jouer. Mais ça se disait pas ouvertement, mais ça se prêchait par en arrière pareil, dans le temps. Maintenant ça se fait plus. Et tant mieux, parce que ça permet à des Messi justement de s'exprimer au maximum. C'est-à-dire, il en prend déjà ses coups et il se fait déjà descendre. Si en plus ces coups-là étaient des coups mortels, dirait-on, qui cassent les jambes, comme Pelé a eu, comme Maradona a eu, à subir face à des défenseurs qui étaient ben, certainement 100 fois moins bons qu'eux, mais qui n'avaient qu'un seul moyen de les arrêter, c'était de les blesser. Monsieur, Alors maintenant, ça. Monsieur Oui? Millien, je veux vous parler de ce but en 86 contre l'Angleterre. C'est encore la finale. Ça, on l'a vu beaucoup sur les médias sociaux, ce but-là, là. Vous étiez analyste lors de ce match-là pour Radio-Canada, parce que la Coupe du Monde en 86, c'était à Radio-Canada. Parlez-moi Avec notre ami Jean Pagé qui Oui. Parlez-moi de ce but-là. Vous étiez dans les ben, gradins, vous étiez là-bas. Les gens devaient. Parce que moi, personne. Hein? C'est la folie, Personne hein? l'a vu, personne n'était capable de dire, à part peut-être le gardien adverse, mais lui, sa crédibilité, elle était zéro, parce que hein, c'est juste l'adversaire le plus proche. Donc les gens ne l'ont pas écouté, les arbitres y compris. Il n'y avait pas le VAR à cette époque-là, donc pas moyen de revenir sur les caméras. Mais je me souviens qu'avec Jean Pagé, justement, on s'est argumenté tous les deux. Moi, je disais, il a mis la main, ça se peut pas qu'il n'ait pas mis la main, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas clairement vu au point de dire, je mets 500 pièces sur la table jusqu'au jour où on verra. Mais ça s'est fait tellement vite, ça s'est fait tellement de façon surprenante, comme je vous dis, le seul vraiment, parce que même les défenseurs autour n'ont pas réagi aussi bien que le gardien l'a fait. Mais quand il a dit, y a main, ils ont répété pareil. Mais c'est pas parce qu'il avait vu d'un coup de patte, d'un coup de patte. Tellement rapide, il a trompé tout le monde. Il a trompé tout le monde. Et ça, c'était bon, c'était Ça, vous parlez du Maradona, but de la main de Dieu. Moi, je vous parle du but qui est hein. parti, Oh, puis l'autre. Ah. l'autre but, là, vous étiez analyste au Ah, match. là, Ça, c'était. on est tous restés. Tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Et je suis certain que même les Anglais dans le stade qui pleuraient, parce qu'évidemment, le deuxième but les condamnait totalement. Mais ont respecté et ont applaudi l'exploit qu'il venait de faire, partir du milieu de terrain, dribbler les milieux de terrain adverses, dribbler les défenseurs, déjouer le gardien et mettre le ballon au fond du filet. C'est Pièce quelque chose d'anthologie, qu'on. c'est une pièce Ben, d'anthologie, ce but-là. absolument, on ne verra plus ça. On On ne verra verra plus plus ça. ça dans la nuit des temps. Parce que le soccer était plus défensif peut-être dans le temps qu'aujourd'hui. Était comment? Plus défensif qu'aujourd'hui. Pas vraiment, non, au contraire, Non? je pense OK. que le marquage homme à homme fait qu'un exploit comme ça pouvait se faire. OK. Un marquage de zone va permettre à un défenseur de revenir se replacer ou d'arriver à deux ensemble sur le porteur du ballon. Alors, non, c'était pas plus défensif, le style défensif étaient différentes, c'est sûr, mais il y a eu plusieurs styles défensifs qui ont été mis en place par les Italiens, par les Suisses, par tout le monde. Mais de ce côté-là, c'était la période où, oui, un joueur surdoué, comme Maradona, il faut le dire, et il faut en être fier, pouvait se permettre d'aller dribbler l'un derrière l'autre, 5-6 adversaires, 7-8 même, plus le gardien, et mettre le ballon au fond du filet de belle façon. Ouais. Tout ça avec son seul pied gauche. Parce que c'est ce que je dis, je m'amuse à le dire, son pied droit, il le gardait pour monter dans l'autobus. Incroyable. Mais son pied gauche, de la première à la 90e minute, il faisait avec ce que d'autres ne pouvaient pas faire, même s'ils avaient eu trois pattes. Maradona, ça, le personnage, je te parle pas de joueur de soccer, quelque part, ça fait partie de ton charisme aussi. Hein. C'est quand vous dites qu'il était dans... C'est un vieux 60 ans. Les paparazzis, c'était quand même une vedette aussi pour lui. Là. C'était pas n'importe qui. Là. C'était du bonbon pour aussi les journalistes aussi, là, là-bas. Il est parti de rien, hein, ouais. Faut dire ce qu'il est. D'un quartier pauvre, d'une éducation... Je veux pas regarder ce que ses parents ont fait ou pas fait, mais ils n'ont certainement pas eu le même encadrement dont peut bénéficier actuellement un Messi... dès le plus jeune âge, entouré comme un club professionnel comme Barcelone, et encadré par des gens qui savent ce que ça va leur rapporter en tant que club si ce joueur-là s'en sort, et qui le surveille pour lui permettre de ne pas faire d'erreurs de comportement, d'accès à la drogue ou autre. Mais si on prend Maradona, il est parti de rien, la gloire est arrivée, les moyens sont arrivés, l'encadrement n'était sûrement pas toujours là, et pauvre de lui, il n'a pas su... se gérer ou gérer ses envies. Vous savez, vous n'avez rien et du jour au lendemain, vous avez tout ce que vous voulez. Ben c'est dur. C'est dur. C'est pas juste Maradona. C'est les athlètes professionnels. L'athlète professionnel tout court. Là, on a vu plein de reportages là-dessus. Absolument. Il y a du monde qui... C'est parce que le problème, c'est qu'ils veulent pas, ils veulent vivre le même rythme de vie après la retraite. C'est pas tous des serfs-chavards qui investissent. Puis, il faut être solide en haut des épaules pour contrôler tout ça. Là. C'est pas un Maradona, par contre. Vous avez la même chose chez les artistes, chez... Ouais, exactement. Peut-être le cinéma ou autre. Hein. On flambe l'argent. Après, il n'en reste plus. Donc, pour en récupérer, on fait des fois des choses pas très catholiques ou pas très honnêtes. En tout cas, sûrement pas sensées. Et malheureusement, ça tourne au vinaigre. Ben là, c'est un petit peu ça aussi. Autour de lui, il y en a quand même qui ont profité de ce qu'il a réussi à aller chercher comme argent, comme notoriété ou autre. Et ces gens-là, au lieu de le surprotéger ou de le protéger simplement, ben, au contraire, ils l'ont peut-être même un petit peu utilisé. Sa carrière de coach, c'était pas un succès. Non. Mais là encore, est-ce que... Bon, on va reprendre l'exemple. Regardez Zidane actuellement. Ouais. Zidane, c'est certainement à son époque aussi un, sinon le meilleur joueur qu'il y avait. Mais quand il a voulu commencer à entraîner, ben, il a été s'occuper dans un grand club, comme Madrid entre autres, le Real, mais avec l'équipe réserve, l'équipe des jeunes, et ensuite il a progressé, et finalement il est venu prendre la place, mais c'est pas sans préparation, bien au contraire. Hein? C'est avec préparation. Thierry Henry, c'est la même chose. Et il a autour de lui eu des expériences qui font que, et il en a d'autres actuellement, c'est toute une expérience, qui font que il forme son métier, il se forme lui-même, il apprend, il essaye. Maradona, c'est pas tout à fait ça. Si ça n'avait pas appris Diego Maradona, il aurait jamais été sélectionneur de l'Argentine. Hein. Je pense pas. Il aurait pu l'être, mais il aurait fallu qu'il soit appuyé par deux, trois personnes qui croient en lui et qui aient assez de pouvoir sur lui pour lui dire « faut faire ci, faut faire ça, faut pas se tromper, etc. » Alors, on n'a pas la science infuse du jour au lendemain pour devenir entraîneur. Non. J'ai connu de très, très, très bons entraîneurs, Gérard Roulier en France notamment, qui n'ont jamais été des très grands joueurs. Hein? C'est souvent un grand joueur. C'est pas un grand joueur qui devient grand entraîneur. Ben, et c'est pas non plus un grand entraîneur qui va devenir un. D'abord, quand ils sont entraîneurs, ils ne deviennent plus joueurs. Hein. Peu importe le sport, là. T'sais, Wayne Gretzky, ça n'a pas été un succès comme entraîneur. C'est pas parce que. Parce que ces vedettes-là. Ces vedettes-là n'ont pas nécessairement le. C'est pas parce que tu étais une grande vedette que tu es capable d'enseigner le sport. Absolument, et puis Et puis, de supporter ce supporter. que ça représente d'être un entraîneur, la responsabilité d'un résultat sur lequel malheureusement vous n'avez aucun pouvoir pendant le match. Vous pouvez l'avoir avant, vous pouvez l'avoir après, vous pouvez changer un joueur pour un autre, mais vous ne pouvez pas pousser le ballon ou la rondelle au fond du filet. Ouais, Hein? effectivement, Donc, effectivement. ce n'est pas nécessairement parce que tu es capable de marquer un but de 40 mètres ou d'un tir du poignet toute vitesse que tu es pour autant un bon entraîneur. Monsieur Millier, très intéressant. La santé va bien par là-dessus? Ah oui, malgré tout, hein, malgré ce Ouais. qui nous entoure, et je ne fais que conseiller à tout le monde, soyez prudents, faites attention, ne vous laissez pas avoir dans le « oh ben ça va mieux, ça ira mieux ». Non, non, quand ça ira mieux, en attendant, méfions-nous et faisons ce qu'il faut pour se protéger et protéger nos proches. Toujours intéressant, monsieur, parler d'encyclopédie du soccer, monsieur Francis Millier. Bon midi, joyeuses fêtes, on s'en parle pas, monsieur Millier. Merci beaucoup, vous Voilà également. l'une des sommités du soccer au Québec, Francis.